Les personnalités et les membres du nouveau parti communiste, de l'association d'études de la politique de Sungun, du cercle d'études des idées du Juche et de l'association d'amitié avec la Corée de la Grande-Bretagne ont livré le 17 courant devant l'ambassade sud-coréenne à Londres une manifestation exigeant le renvoi de nos citoyennes kidnappées collectivement. Par ailleurs, contre le crime inhumain des autorités sud-coréennes, l'association d'amitié et culturelle Australie-République populaire démocratique de Corée et la filiale polonaise de l'association d'amitié avec la Corée ont publié respectivement les 17 et 19 courants une déclaration. La filiale polonaise a aussi adressé à l'ambassade sud-coréenne dans son pays et au haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU les lettres réclamant le renvoi immédiat des citoyennes nord-coréennes.